Non mais c'est vrai quoi, on se tue à installer une tension dramatique. Moi j'enquête au péril de ma vie sur les nombreuses conspirations de Bitbourg. Alors j'arrive cette fois-ci à tenir quelque chose de concret, et qu'est-ce qu'on a là? Une voix off même pas capable de faire son boulot et qui part faire la bringue avec Sandaline. Ouais d'accord, ouais je vois, là. Je dérange c'est ça? Mais vous inquiétez pas, hein. Après ce maudit générique, chacun va en prendre pour son grade. Vous verrez. Bonjour Abdoul, la journée est belle non? Mamselle, comment déjà? Comment c'était que ça va? Monsieur David, je suis honoré de vous voir. Ouais, je trouve cette gentillesse bien louche. Oh, vous savez, c'est la profession qui veut ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voudrions savoir si nous pouvons manger chez vous. Nous n'avons plus d'endroit où aller depuis que Carole a fermé la joyeuse goutte pour faire des mots croisés. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Toujours ravi de faire plaisir. Ouais, c'est que... Mais attendez, pourquoi hurlez-vous et que font tous ces gens dans votre épicerie? Bah, c'est que... cela ne vous dérange pas? Eh bien, ma foi, Abdoul, vous faites ce que vous voulez dans votre magasin. Vraiment? Vous êtes sincère? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir? Non, mais moi, je me demandais juste pourquoi. Hé, les gars, vous pouvez parler normalement maintenant! Forcément, c'est plus cohérent comme ça! C'est tout le temps pareil ici, il y a tout le temps plein de monde. Eh oh, mais je connais ces gens-là, ce sont les maçons de mon cul! Que je vous explique! Ce sont effectivement les fameux maçons de mon cul! Ils sont venus construire une patinoire en annexe du bowling. Ils dorment à l'hôtel de Bitbourg, la Belle Étoile! Jusque-là, rien de bien anormal pour qui connaît un peu la ville. Mais que font-ils à manger et boire dans votre épicerie? C'est là que je reste humblement perplexe. Pour une raison que j'ignore, le personnel de l'hôtel a préféré m'envoyer ses clients plutôt que leur servir leur repas. Ouais, les idées secrenues sont vite à ce que je vois. Eh bien, moi j'ai faim. Quand est-ce qu'on se met à table? Oui, trouvez-vous une place, je suis presque complet. Ouais, on va se débrouiller. Excusez le dérangement. Non, ça ira. Je ne suis qu'une fiente dans cet univers parfumé à la rose. Pareil. Pardon, excusez-moi. La place est libre ici? Oui, ok, pardon. Pardon, ah, vas-y Rebecca, c'est à toi là. C'est pas le grand luxe, mais au moins on est au chaud. Ouais, cette ambiance ne me dit rien qui vaille. Tous ces hommes musclés, évitons de les froisser. Alors, petit gars, on vient manger ici? On avait pensé y faire une chasse aux renards, mais manque de chance, y a pas de renards. Rebecca! Et comme ça, vous habitez Bitbourg? Eh bien, pour être franc... Ça m'a toujours fait poiler, ça. À Bitbourg, t'as Bitbourg, t'as Bitbourg. Ouais, c'est ça, ouais. C'est effectivement tordant, mais nous ne sommes pas exactement originaires de cette ville. Nous venons juste d'arriver. Ah ouais? Alors vous êtes des bleus, mais alors bleu Bitbourg. Mais, enfin là, arrêtez, c'est pas drôle, c'est même complètement idiot. Et heureusement que personne ne parle le verlan ici, sinon ça ferait... Eh le topo, c'est relou, je crache à Bourbite. Ha ha, Bourbite. Eh oh, vous êtes regardé, moi aussi je pourrais faire la même chose avec mon cul. Ben non, ça ferait le topo, c'est relou, je crache à cumon, ça veut rien dire. Ah, mais vous comprenez rien, vous comprenez. Ah, mais il est terrible votre accent allemand, mais comment vous faites ça? Mais arrêtez, c'est trop drôle. Rebecca, non, partons Rebecca ou je fais un malheur. Mais on vient à peine de commencer à manger. Mais personnellement, j'ai plus trop faim là, certaines choses m'ont coupé l'appétit. Monsieur David, mademoiselle commande déjà. Vous oubliez de me payer. Voilà qui n'est pas très charitable. Et qui ne va pas faire avancer vos affaires. Sandaline, mais que faites-vous là? Je ne vous ai pas entendu arriver. C'est à cause des maçons de mon cul. On peut avoir un peu de calme. Vous voyez? Bon, ça suffit. Ah oui, maintenant c'est mieux. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est-il que je peux faire pour vous? Oh, il me faudrait une vingtaine de sandwichs pour mes collaborateurs. Tenez, voici la liste. Dites-moi, vous avez toujours autant de monde? Non, en ce moment c'est exceptionnel. Il suffirait de pas grand-chose pour installer confortablement tout le monde. Sans doute. En installant les tables de guingois, vous pouvez en rajouter jusqu'à 4 supplémentaires. C'est possible. Avec le bénéfice, vous engagez un chef. Avez-vous déjà réfléchi aux possibilités que vous apporterez un chef cuisinier? Cela m'a traversé l'esprit. Vous gardez le menu routier pour les maçons de mon cul, tout en rajoutant une carte pour les touristes et les représentants de passage. C'est une brillante idée. Mais qui ne vous intéresse pas? Ah, réussir dans le petit commerce n'est pas une pensée qui inonde mon cœur de bonheur. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous voudriez faire? Eh bien, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Yes, I, Bitbourgeois et Bitbourgeoise, vous êtes bien sûr BBFM et nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre radio dans notre bonne ville, le Bitbourg. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Sandaline, la présidente de Prune, notre homologue nantaise. Celle-ci vient négocier toute une série de partenariats avec les acteurs de la ville. Alors, si vous la croisez, soyez cool! Oh, bonjour Abdoul, la journée est belle, non? Mamselle, comment déjà? Comment c'est-il que ça va? Monsieur David, je suis honoré de vous voir. Mais Abdoul, qu'est-ce que vous faites à l'hôtel de Bitbourg? Oh, je crois que je me suis trompé de scène. Excusez-moi, c'est le drink du début qui m'a trompé. Je suis une petite pellicule sur les frêles épaules de Jennifer Lopez. Ce n'est pas bien grave, Abdoul. Si, j'insiste. Je suis désolé. Allons, ne vous mettez pas martel en tête. Pendant que j'y suis, enfin si, je veux dire, si je peux me permettre. Oui. Il est venu le temps des cathédrales. Oui. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, bonjour, vous êtes bien le réceptionniste de la Belle Étoile, l'hôtel de Bitbourg? Je dois vous prévenir tout de suite que si vous souhaitez manger... Non, nous voudrions juste louer une chambre pour une nuit ou deux. Non, parce que si vous souhaitez déjeuner... Je vous assure que non. Ou même dîner... Il n'en est pas question. Cela ne va pas être possible. J'entends bien, mais nous voulons juste dormir. Maintenant? Non, mais on préfère s'y prendre à l'avance. Nous sommes des gens organisés. Parce qu'il y en a certains qui demandent une chambre et qui après en profitent pour nous demander un repas. Mais non, nous ne sommes pas de ceux-là. Mais il y en a. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Non, mais je suis tout à fait d'accord. À ces gens-là. Ah là là là là là là. Mais vous n'avez pas faim? Oh si, même que je n'ai pas pu finir mon sandwich. Ah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous vous croyez très fort, hein? Quand la faim vous tenaillera, vous serez prêt à tout pour que je vous serve un repas. Vous utiliserez la persuasion, la séduction et peut-être même la torture. Ah mais je vous dirai rien, moi. J'ai fait militaire, moi. Et même si je devais perdre mes deux yeux, vous n'auriez pas une miette de pain. Mais... Même sans la rate, je resterai impassible. Je dis pas pour tout ce qui est foie ou testicule. C'est vrai, là je dis pas. Hein. Et nous interrompons notre émission de sexe, dialogue et gégène pour un communiqué spécial de Monsieur le Maire. Je répète, nous interrompons notre émission de sexe, dialogue et gégène pour un communiqué spécial de Monsieur le Maire. Mes chers électeurs, c'est Monsieur le Maire qui vous parle. Je sais que vous vous êtes inquiétés pour moi, ainsi que pour Monsieur son conseil. Je tiens d'emblée à vous rassurer. Tout va bien. Je suis rentré de Nantes en avion avec monsieur son conseil, qui est un pilote émérite. Pour des raisons qui seraient trop longues à vous expliquer ici, notre jet, ainsi que son pilote, ont subi quelques avaries. Monsieur son conseil va bien, mais ses capacités motrices ainsi que mentales sont grandement amoindries vu qu'il est inconscient. Non, je ne l'ai pas dit. Oubliez. Vous le voyez donc, chers apiculteurs, tout se passe pour le mieux. Nous serons bientôt de retour à Bitbourg pour le bonheur de chacun. Je vous remercie. Au fait, si l'un de vous a des connaissances, même vagues, en pilotage d'avion, ainsi qu'en médecine, voire en chirurgie, ou alors s'il est prêtre, il serait gentil de se téléporter directement dans l'avion. Monsieur le maire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ? Mais où suis-je ? Je vous laisse. Monsieur son conseil m'appelle. Yes ! Ça s'était envoyé. On remercie monsieur le maire pour son intervention qui nous prouve que même s'il n'est pas dans notre bonne ville de Bitbourg, il s'inquiète pour ses concitoyens. Nous retrouvons maintenant le compte de notre émission avec la star montante de Bitbourg, Abdullo Paolo, qui nous interprète le lundi au soleil. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille. Mais c'est affreux, monsieur le maire est en danger, isolé en plein ciel dans un avion qui ne sait pas conduire. Oui, et en plus cet artiste-là, Abdullo, il chante comme une casserole. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais je comprends pas. Arrête, mère va mourir. Ah non, là ça serait plutôt du Falco. Attention, ceci est une blague ratée. Ouais bon, allons à la radio, Roby nous en dira plus. C'est une chance qu'on n'aura jamais. La prostate, ça fait très mal la prostate. C'est pareil, peut-être la bite. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. La nanana nanana, le lundi au soleil. Monsieur le directeur, j'ai une nouvelle incroyable. Eh bien, parlez, surveillant Maton. J'ai retrouvé monsieur le maire. Vous ne deviez pas retrouver Sandaline plus tôt ? Oui, mais c'est que Sandaline est effectivement en ville et qu'on la voit un petit peu partout. Quant à plus tôt, il s'agit d'un personnage imaginaire de Walt Disney et j'aurais bien de la peine à le croiser dans notre bonne ville de Bitbourg. Attention, ceci est une blague recyclée. Bon, passons. J'ignorais que monsieur le maire avait disparu et d'ailleurs, je n'y avais même pas pensé. Si cela peut vous rassurer, on peut dire que moi aussi, je m'entends pas de coquillard. Bref, monsieur le maire, où est-il ? Il est dans le poste. Dans le poste ? Oui, dans le poste de radio. Surveillant Maton, vous êtes déprimant d'incompétence. Comment monsieur le maire pourrait-il tenir dans un si petit poste de radio ? Pardonnez-moi mon imprécision, monsieur le directeur. Je voulais dire que je l'avais entendu à la radio sur BBFM. Voilà qui est plus plausible. Et que disait-il ? Qui ça ? Monsieur le maire, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Il disait qu'il était dans un avion. Dans un avion ? Oui, c'est cela, un avion. C'est horrible. Je ne vous avais pas menti. Eh bien, surveillant Maton, je vous remercie pour ces informations primordiales. C'est mon métier. Autre chose ? Oui. Monsieur le maire a laissé entendre que monsieur son conseil, le pilote de l'avion, était à l'article de la mort et que lui-même ne savait pas piloter. Il ajoutait que l'avion était mal en point et qu'il risquait de s'écraser à tout moment. Quoi ? Mais c'est affreux, il faut absolument faire quelque chose. Allons tout de suite à la radio pour essayer de contacter monsieur le maire. Tout de suite, monsieur le directeur. Plus vite, surveillant Maton, plus vite ! Monsieur son conseil, m'entendez-vous ? Revenez à vous, s'il vous plaît, monsieur son conseil. Mais, où suis-je et qui est ? Oh, Rebecca, c'est gentil de m'avoir emmené faire une balade dans l'espace. Monsieur son conseil, regardez-moi, je suis monsieur le maire de Bitbourg. Oh, je me disais aussi, tu as grossi. Et quand est-ce que passe la navette pour Alpha du Centaure ? Regardez-moi, je ne suis pas Rebecca, je suis monsieur le maire. Nous sommes dans un avion, vous êtes le seul à pouvoir le piloter. Et nous ne sommes pas dans l'espace, mais en plein ciel entre Nantes et Bitbourg. Il faut que vous repreniez cet avion en main avant qu'il ne s'écrase. Oui, eh bien d'accord monsieur le maire, mais que m'est-il arrivé ? Eh bien, nous rentrions tranquillement pour Bitbourg et je vous ai demandé de me faire essayer l'avion. Vous ? Mais vous savez piloter ? Pas exactement, et c'est peut-être ce que j'aurais dû vous dire. Mais vous ne me l'avez pas demandé aussi ! Bon, et ensuite ? Au début, j'ai trouvé ça pas mal, même plutôt amusant. Et puis je me suis aguerri, et j'ai voulu faire des loopings. Je ne me rappelle de rien. Mais si ! J'ai un peu perdu le contrôle de l'appareil. Et c'est là que vous avez commencé à faire le fou. Le fou ? Oui ! Pendant un trou d'air, vous n'avez rien trouvé de mieux que de fracasser votre tête sur le tableau de bord, endommageant d'ailleurs certains appareils tels que l'autoradio, le compas et l'altimètre. J'ai l'impression que vous enjolivez un peu l'effet, là. Mais à peine ! Regardez-vous là, dans la vitre. Ah, mais je pisse le sang ! Et qu'est-ce que c'est que ce turban ? Et c'est vous qui m'avez mis ça ? Je voulais stopper l'hémorragie, et je ne trouvais pas la trousse à pharmacie. Alors j'ai trouvé ces chiffons dans des sacs. Mais monsieur le maire, ce sont des parachutes ! Des parachutes ? Quel nom idiot pour des pansements ! Mais des parachutes ! Avec ça, nous aurions pu sauter de l'avion et sauver nos vies. Sauver ma peau avec des pansements ? J'ai encore un certain standing. Oh, laissez tomber. Où sont les commandes ? Je les ai attachées avec un morceau de chiffon. Enfin, de parachute. Elles sont bloquées. Bon, je reprends le manche à balai. Les instruments de bord sont hors service et nous allons naviguer à vue. Monsieur le maire, essayez de contacter Bitbourg pendant ce temps-là. Mais j'ai déjà essayé et je n'ai eu aucune réponse. Eh bien, continuez. Il faut absolument se faire guider depuis l'extérieur à l'aide d'un radar. Et est-ce que... Non, non, monsieur le maire. On ne souhaite pas les blessures avec un radar. Alors, dans un premier temps, stabilisez l'appareil. Voilà. Ensuite, relevez les ailerons. Contrôlez la température et pression des moteurs. Et ensuite, on va se farcir un maximum de zéro. À 3 heures. Mais monsieur, son conseil, que vous arrive-t-il ? Yahoo ! Et à 12 heures, la papy Boyleton, j'arrive. On va se faire ses jabs. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et deux d'abattus. Monsieur, son conseil, ce n'est pas vous qui devez débloquer. Vous m'entendez ? Allez, on y va, les têtes brûlées. Vous en avez mis du temps. Larynx ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. C'est normal, je suis caché derrière la poubelle. Charmant. Vincent, votre mission est ailleurs. Ailleurs ? Mais où ? Avez-vous vu Sandaline dernièrement ? Sandaline ? Eh bien oui, il n'y a pas longtemps. Elle essayait de faire chanter Abdul Pola. Chanter ? Bah oui, chanter quand vous faites des notes avec vos cordes vocales. Comme Lara Fabian. Non, en fait, pas comme Lara Fabian. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le patron du bowling, grâce à quelques aménagements conseillés par Sandaline, a maintenant pignon sur rue. La station-service de Bitbourg vient d'ouvrir un casino en annexe, après une mystérieuse discussion avec Sandaline. Et même le paysan se met à la culture intensive avec engrais chimiques et d'énormes machines agricoles. Toujours après une discussion ? Vincent, ne plaisantez pas, on ne discute pas avec le paysan. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais je ne sais comment elle a réussi à le faire passer de paysan à exploitant agricole. Elle est vraiment très forte. Mais ce n'est pas tout, Vincent. Elle a obtenu des subventions de tous les commerces de Bitbourg, et même certains particuliers. De tous les commerces ? Non, pas tous. Un seul commerce résiste courageusement à l'envahisseur et boude toute tentative de conseil de Sandaline. Et quel est ce commerce ? Allons, Vincent, il faut que vous trouviez. C'est un homme ? Une femme ? Il est mort ? Non. Est-ce qu'il fait du sport ? Non. Il chante ? Il est célèbre ? Non. Sa femme est dans le X ? Non. Est-ce qu'il participe au concours du plus gros mangeur de yaourt aux fruits ? Non. Sacha Guitry ! Perdu ! En fait, il s'agit de la Joyeuse Goutte. La Joyeuse Goutte, le café bistrot des bites boissons de Bitbourg ? Tenu par Carole, oui. Et il est en danger. Mais Carole est enfermée dans sa chambre depuis le début de la journée. Il a fermé son café. Mais Sandaline et ses collaborateurs se sont regroupés autour de la Joyeuse Goutte. Et ils sont bien décidés à le déloger. Mon Dieu, mais il faut absolument aller aider Carole. Oui, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Pas le temps de prévenir Rebecca, elle est déjà rentrée dans la radio. Larynx, faites-le pour moi. Je cours à la Joyeuse Goutte. Vincent, vous avez oublié de me payer. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de liquide. Tenez, voici ma carte bleue. Vincent, vous ne m'avez pas donné le code. C'est le 0, 3, 4, 15, 10. Vincent, revenez, je n'ai bien rien entendu. Un idiot a mis un bip sur votre texte. Vincent. Elle n'est pas toujours facile, hein, la vie d'un formateur secret. Carole ! Carole ! Soyez raisonnable, ouvrez-nous ! Vous avez certainement besoin de conseils. Tout le monde a besoin de conseils. Ne faites pas le malin. Sandaline, on a fait le tour de la maison et il n'y a pas d'autre issue que la porte d'entrée. Parfait, on tient. Carole, je sais que tu m'entends. Je te laisse encore une chance de t'en sortir. J'ai déjà conseillé toute la ville. Il ne reste plus que toi. Sois raisonnable. Je te fais la promesse solennelle que je ne te conseillerai pas mal. Allez quoi, laisse-toi conseiller. Oui, mais là, il ne répond pas, là. Bon, on y va, enfoncez la porte. Oh là là, c'est pas un peu expéditif comme méthode? Il ne sera pas dit que j'aurais conseillé tout le monde. Chargez! Nous avons enfoncé la porte et les dernières défenses. La joyeuse goutte est à nous. Bon travail. Installez tout de suite le camp dans la grande salle. Vincent Darline, le propriétaire des lieux est barricadé dans le donjon. Enfin, je veux dire dans sa chambre. Ce sacré Carole. Qu'à cela ne tienne. Nous allons tenir un siège. Mes amis, installons-nous. Fêtons cette victoire! Buvons, ripaillons! Mais je vous interdis de violer les sous-bocs! Ah, Sandaline, je te tiens, traîtresse! Te voilà prise en flagrant délit de conseil! Hein? Mais je ne te laisserai pas faire, je m'opposerai toutes mes forces à tes tentatives insidieuses de brader cette belle ville de Bitbourg! Vincent, est-ce que cela ne t'arrive jamais de détendre et de voir la vie du bon côté? Pas quand Bitbourg risque de se faire racheter par des promoteurs peu scrupuleux! Mais qui te parle de ça, Vincent? Je me suis fait plein d'amis ici. Et c'est normal que nous échangions des conseils, n'est-ce pas les gars? En tant que propriétaire du complexe Le Petit Bitbourg, comprenant un bowling, une patinoire, une salle de billard ainsi qu'un luxueux bar, je ne peux que me féliciter des conseils de Sandaline. J'envisage même de construire une piscine. Oui, et moi aussi je suis très content. Grâce à elle, je vais bientôt commencer une carrière de chanteur de charme. Tu vois? Ah, mais c'est pas possible! Il faut la courbe manipuler, il faut la réjouir. Vincent, non! J'ai connu des atterrissages plus en douceur. Monsieur le maire. Et monsieur son conseil, si j'arrive à le sortir de cet amas de tôle. Je suis là, monsieur le maire. J'ai l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. C'est presque ça. Oh, mais que vois-je? Mais oui, c'est moi. Mette. Et tiki. Wouh. Ah, tiki-ta. Oh, Mandaline. Je suis content de vous voir ici. Vous êtes vraiment la meilleure animatrice de prunes. Ouais. Nous ne nous étendrons pas trop sur le sujet. Hein. Moi aussi, je suis vraiment heureux de vous voir sain et sauf. J'ai cru voir d'en haut que la ville s'était légèrement agrandie. Oh, j'ai donné quelques conseils à droite, à gauche. Mandaline, on ne vous changera jamais. Mais je vois que tout le monde est là. C'est le moment de fêter tout ça. Allons-y, Piccolo, Carole. Il est dans sa chambre, il ne veut plus en sortir. Mais c'est une occasion exceptionnelle! Allons chercher! Ouais, je suis pas d'accord avec tout ici, mais je vous suis. Je trouve tout ceci bien louche. Alors moi aussi, je viens. assez bizarre ce bruit, vous ne trouvez pas? On dirait des termites. C'est normal, regardez, il y a un grand trou devant la chambre de Carole. C'est étrange, regardez, il y a une lueur qui semble venir du fond, mais... Oh, oh. Mon Dieu! Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce débat mirifique qui clôt donc le 14e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les lilas. Donc bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous ceux qui sont venus nombreux. Bonsoir. Très bien, j'espère que vous êtes bien à l'aise, vous êtes bien assis. Bonsoir. Donc un 14e épisode que je vais résumer assez rapidement. Donc un 14e épisode qui fait qui fait suite au 13e épisode. Tout à fait, bonsoir. Donc dans ce 13e épisode, déjà la semaine dernière, nous avons pu voir Sandaline qui arrivait dans la charmante ville de Bitbourg. Bonsoir, je suis en retard, non? Ça va, vous êtes pile poil à l'heure, asseyez-vous, prenez une place. Sandaline, donc cette obscure présidente d'une obscure radio locale qui arrive donc à Bitbourg dans l'espoir d'obtenir des partenariats. Oui, il faudra en parler de ça. Il faudra en parler, ne vous inquiétez pas, nous annoncer ce que nous allons faire. Donc Sandaline qui pousse donc tous les gens de Bitbourg à faire évoluer leur commerce, à grandir leur commerce, hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire. En parallèle, nous avons le retour de monsieur le maire et de monsieur son conseil municipal qui reviennent justement de Nantes après les élections, la campagne municipale. Qui a été assez laborieuse. Alors déjà je voudrais dire que tout ceci est très bizarre. C'est un scandale déjà, ils sont revenus en jet, on a vu qu'ils sont revenus en avion. J'aimerais bien savoir d'où sort cet avion, premièrement. Eh bien oui, peut-être comment monsieur le maire a pu payer cet avion alors que Bitbourg n'est pas... J'aimerais sur les comptes de monsieur le maire. Voilà, pour faire des déplacements sur la ville de Nantes alors qu'il se présente dans la ville de Bitbourg. J'aimerais bien savoir. Voilà, c'est une très bonne question. Je pense Mais que monsieur d'abord... le maire est le premier administré de cette ville. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Voilà, non, ce que je voulais d'abord, on va essayer de recentrer un petit peu le débat. Voilà, mettons oui, tous ensemble. On s'égare un petit peu. Nous égarons, c'est honteux tout à fait. C'est honteux, c'est tondu aussi. C'est nous allons donc présenter, à ma gauche, j'ai... Karl Weber. Oui, Karl Weber que nous connaissons bien. Garde du corps de monsieur Vincent David. Garde du corps de monsieur Vincent David, très bien, bonjour, enchanté. Monsieur, sinon... Carmendo Rodriguez. Monsieur Noname. D'accord, donc avec un effet de voix pour qu'on le reconnaisse pas. Grossmeyer, donc un confrère allemand. Et Roger Choufleur, cuisinier de monsieur le maire. Et Roger Choufleur, cuisinier de monsieur le maire. Donc bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue dans de ce débat qui clôt le 14e épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous allons parler un petit peu de cet épisode. J'aimerais d'abord savoir votre avis sur ce sujet. Un scandale. Est-ce que vous avez déjà compris quelque chose? Et parce que c'était tolérable de passer des choses comme ça à la radio, ça n'est pas possible. Comment voulez-vous que les gens ils écoutent la radio? Ça n'est pas possible. Je ne pense pas que c'est possible. Si les gens n'ont pas d'explication sur les comptes de monsieur Albert et de son avion, ça n'est pas possible. On ne peut pas comprendre. C'est une réalité, oui. On ne peut pas comprendre. Je veux dire, si on prend la convolution, la convolution de la planète Mars. Oui, un scandale. Que je veux dire. Avec scandale. L'avion. Monsieur Lonim, vous voulez réagir à ce sujet? C'est un scandale. Voilà, tout à fait. Monsieur Choufleur? Moi, je ne peux pas vraiment parler du feuilleton, vu que j'étais en train de faire un peu la cuisine. Hein, oui, c'est cuisinier. Mais de ce que j'ai entendu, je pense que monsieur le maire est un peu accusé, justement. Monsieur Choufleur, excusez-moi, avez-vous fait des plateaux repas pour l'avion? Un scandale. Quelqu'un qui ne s'est pas fait moussaka. Avez-vous fait des plateaux repas pour l'avion de monsieur le maire? Oui, bien sûr, j'étais à bord de cet avion. Je pense que un cuisinier qui se respecte suit son maire. Très bien. En tant que sociologue, le seul scientifique ici qui a vraiment de l'esprit, qui a vraiment de la maturité dans ce domaine, je dois dire que monsieur le maire a tout à fait raison. Mais vous nous emmerdez avec vos chiffres. Voilà, donc c'est un scandale. Je voulais donc revenir donc sur le sujet qui nous préoccupe, à savoir ce 14e épisode qui s'appelle « À nous les petites subventions, deuxième partie ». Donc un des personnages principaux de cet épisode, c'est... un des personnages principaux, excusez-moi, ma langue a torché, c'est Sandaline, donc qui... on en conviendra tous, est une caricature assez aberrante d'une certaine Amandine qui est la présidente d'une, bah, d'une radio locale nantaise. Il faut le dire. C'est ton pas. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que l'unité de divertissement de cette radio fait peur au pouvoir, pardon, dérange donc ce pouvoir établi par Amandine, donc, en la caricaturant ainsi? C'est un scandale, il faut le dire. Régler ses comptes par le biais d'un micro, c'est un scandale. Et pourquoi parler de scandale directement? Pourquoi? C'est un scandale. D'abord, je pense qu'on va peut dire bonsoir à Amandine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Pas bonsoir. Ah, des constatataires. Ouh, alors là... Public en France. Nous voici un pro unité de divertissement, je pense. Donc, monsieur Karl Weber, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez cette réaction, justement? Est-ce que vous êtes proche de l'unité de divertissement, ce groupe dissident? En tout temps, il faut avoir des contestataires. Il faut avoir des gens qui sont là, qui sont présents contre le pouvoir. Et je crois qu'Amandine doit partir. C'est honteux. Est-ce que vous pensez, par rapport donc, à ce 14e épisode, que le fait que Carole, donc le patron de la Joyeuse Goutte, ferme son bar, justement, pour des raisons un petit peu obscures, qui sont donc sa victoire, sa prétendue victoire il y a des années d'un concours de mots croisés, qu'il célèbre donc chaque année en s'enfermant dans son bar La Joyeuse Goutte. Est-ce que vous pensez que c'est quand même assez intelligent de le faire venir ça, comme ça dans le feuilleton, alors qu'il y a déjà trop d'informations? C'est une incitation à l'alcoolisme. C'est une incitation à l'alcoolisme. Je tiens à le dire. De vous enfermer dans un... Monsieur Anonyme, vous voulez réagir? C'est honteux. C'est honteux. Monsieur Grossmeyer. Le chou-fleur, là. Moi, je pense qu'il a raison. En tant que restaurateur, je comprends ce qui peut endurer. Monsieur Grossmeyer. Je comprends rien du tout à ce qui se passe ici. Je ne parle pas déjà bien français. Et là, je comprends rien à ce débat. Je crois que scandale. C'est une grosse chaise. C'est une honte. Je m'en vais. Faites le terre. C'est un scandale. Non, faites le terre. Non. Allez. Hop, Wiedersehen. Très bien, voilà. Très beau claquage de porte. Je pense que vous avez pu admirer ce magnifique coup de poignet de la part de notre homologue allemand, Rüxmeyer. Néanmoins Bosch. Et néanmoins Bosch, hein, tout à fait. C'est une bonne scie sauteuse. Voilà, c'est un acteur de film érotique, nous pouvons dire ça. Continuons donc dans cette évolution dans le domaine donc de ce débat. Nous avons évoqué de nombreuses choses. Évoquons maintenant la fin tout de suite après cette petite pause où nous allons écouter un homme se faire fouetter. Très bien, un très joli son donc de cet homme qui s'est fait fouetter. Je ne sais pas de quel pays ça vient, encore un pays donc qui n'accepte pas les droits de l'homme. Des pays dont on manque souvent, je dois dire un petit peu, je ne sais pas quelles sont vos réactions à ce sujet. Nous allons donc revenir dans le débat du 14e épisode du feuilleton Aussi loin que s'en souviennent les là, à nous les petites subventions numéro 2. Donc à la fin de cet épisode, nous voyons bien qu'il y a un trou dans le parquet de la Joyeuse Goutte après l'assaut que Sandaline mène donc contre ce bar pour donc parler à Carole, le patron. Et dans ce trou, il y a de la lumière. C'est un trou fait par des termites, hein. Il y a de la lumière qui sort, tous regardent dans ce trou et tous se mettent à crier. Alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi? Le retour de Terminator 3 peut-être. Terminator 3, tout à fait, c'est un très beau film, j'ai adoré, j'ai même la cassette, j'ai toujours la jaquette et j'ai même le t-shirt. Il poserait une question peut-être de fond un peu plus importante qui serait de savoir d'où vient la lumière. Ça, c'est une très bonne question, d'où vient la lumière? Puisqu'elle est dans le parquet. Et ne pensez-vous pas... D'où vient la lumière du trou? Il faut savoir, pour l'impact psychologique, il faut savoir d'où vient la lumière, sinon on ne peut pas s'y retrouver. Depuis quand? Oui, parce que c'est la lumière du soleil ou la lumière d'une ampoule électrique ou la lumière d'un Terminator 4. Souvenez-vous de ce que disait donc ce célèbre poète Axel Bauer, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Oui. Regarde les ombres qui, elles, cherchent un peu de lumière. Un peu de lumière. Est-ce que donc ces ombres... En tant que cuisinier, on écoute du Axel Bauer dans les cuisines. Est-ce que donc dans cet épisode, l'auteur de ce feuilleton, enfin de cet épisode, puisque rappelons que les auteurs sont trois, est-ce que dans cet épisode, l'auteur de cet épisode-là a voulu faire passer le message justement des ombres qui cherchent la lumière? Déjà, vous ne nous ferez pas croire qu'ils sont à trois pour écrire une merde pareille, déjà. Hein, non, mais l'épisode est écrit par une seule personne. D'accord, c'est bien ce que je pensais, parce que là, vous me dites... Ah, mais moi, je n'ai aucun, c'est pas de l'impro, totalement neutre. Hein. Non, c'est pas de l'impro, il paraît que c'est écrit tout ça. Ah. Donc, quelque part, ça change un peu notre avis aussi sur le sujet. Oui, effectivement, ça peut changer son. Tout a été écrit. Mais moi, je voulais donc faire une petite digression, enfin une digression c'est suivre. C'est un scandale! Dans le débat, juste vous demander si vous ne pensez pas que ceci a une corrélation avec l'épisode spécial qui aura lieu donc la semaine prochaine, lundi, donc de 19h à 20h, un épisode spécial Bitbourg dans l'espace, donc une sorte de parodie de La Guerre des Étoiles. Sans doute, je pense, mais peut-être avec les champignons un peu moins farciels. tout à fait. Oh oui, bah alors là je suis bien d'accord. Tout le monde met toujours trop de phrases dans les champignons. Effectivement. Quelqu'un, quelque chose d'autre à ajouter? Je ne sais pas. Hein, je vais préparer Moussa. Moi Gamme, je suis atterré en tant que sociologue, je préfère partir tout de suite. Puisque je vois des légumes, un espèce d'espagnol qui parle à moitié portugais, un anonyme qui arrête pas de crier ce, sur... hein. Ah, je m'en vais. Au secours, on m'agresse, au secours. C'est un scandale. Au revoir. Et la lumière vient peut-être de la télévision. Ou de Jean-Pierre Pernaut. Il y a Pierre Pernaut. Non. Non, c'est vrai. Non, je pense pas à Jean-Pierre Pernaut. Alors, nous sommes un peu égarés, nous sommes passés du feuilleton à Jean-Pierre Pernaut, je ne vois pas trop le rapport, à part peut-être la connerie. Jean-Pierre Pernaut dans le feuilleton. Non, nous n'avons toujours pas Jean-Pierre Pernaut, malgré tous les appels incessants que nous lui avons lancés. C'est ce que nous allons continuer encore à faire ce soir, je pense. Nous pouvons demander Jean-Pierre Pernaut, écoute Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaut, si tu m'écoutes. Je voudrais que tu participes au feuilleton, je voudrais que tu sois avec moi, nu, dans le studio, à déclamer les poèmes, les poèmes de Francis Lalanne, de ta belle voix et tout, en disant « Voici, maintenant nous allons parler du Roquefort Société ». Qui nous allons nous rendre dans le Languedoc-Roussillon pour voir le premier sabotier. Ce genre de choses, j'aimerais tellement que tu viennes nous faire participer, ce côté rural. Bitbourg, il faut savoir, c'est quand même un côté rural énorme dans ce feuilleton. Et ce qui m'amène à une autre question, voilà, une bifurcation très aisée. Dernière question, s'il vous plaît. Une dernière question, je pense, puisque là, nous pourrons clore assez rapidement ce débat qui n'avait rien de mirifique, hein, même si je serais bien resté dans ma cuisine. Hein. Pouf Daddy, donc qui vient. Pouf Daddy, vous qui êtes américain, qui avez l'habitude des programmes humoristiques américains, j'aimerais avoir votre avis justement sur ce programme, sur Aussi loin que s'en souviennent les Lilas, qui existe depuis déjà 15 semaines. Donc peut-être rappeler le titre en anglais. As far as the Lila can remember. Yes. Ok, my advice is simple. It is a scandal feuilleton. It's all. Voilà, alors pour clore ce débat qui a bien besoin d'être clos, hein, qui a besoin d'être clos, nous allons donc refermer la porte et nous allons faire la fête un petit peu entre nous. Je vous demande franchement de lever les bras en l'air, car maintenant nous allons recevoir des cotillons de champagne. Faites péter sur la porte. Et maintenant, bonsoir. Nous allons accueillir des Roumaines. Et nous allons tous vous quitter et vous souhaiter une très très bonne soirée sur le 92FM. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le 15e épisode de Aussi loin que s'en souviennent les Lilas. Un épisode à ne pas manquer surtout, puisque c'est un épisode spécial Bitbourg dans l'espace. Voilà, on vous laisse avec un dîner sur l'herbe. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.